quand le président Biya arrive au pouvoir, ce jamais criminel va rebondir à la faveur du coup d'État, qui va se solder par des assassinats. Des assassinats extrajudiciaires. Extrajudiciaires. Avant que la justice reprenne la main, mais il te jata. Et d'ailleurs, cette période-là aujourd'hui fait le lit d'un certain revanchisme de certains nostalgiques du régime haïtien au Cameroun. Et c'est un problème sérieux dans la consolidation et le maintien de l'unité nationale dans notre pays. Afrique Média, le monde, c'est nous.